Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Qui est là? Pourquoi venez-vous m'éveiller? Sortez par les petites portes, il y en a assez. Nous venons laver le seuil, la porte et le perron. Ouvrez donc. Il y aura de grands événements. Il y aura de grandes fêtes. Ouvrez vite. Ouvrez donc. Attendez. Attendez. Je ne sais pas si je pourrai l'ouvrir. Elle ne s'ouvre jamais. Voici les grandes clés. Oh, comme ils grincent, les verrous et les serrures. Aidez-moi. Aidez-moi. Elle ne s'ouvrira pas. Ah, elle s'ouvre. Elle s'ouvre lentement. Comme elle crie, elle éveillera tout le monde. Oh, qu'il fait déjà clair au dehors. Le soleil se lève sur la mer. Elle est ouverte. Elle est grande ouverte. Je vais d'abord laver le seuil. Nous ne pourrons jamais nettoyer tout ceci. Apportez l'eau. Apportez l'eau. Oui, oui. Versez l'eau. Versez toute l'eau du déluge. Vous n'en viendrez jamais à bout. Pélléas et Mélisande. Version radiophonique de la pièce de Maurice Maeterlinck. Proposée par Denis Podalides et Louis Langré. Musique de scène de Gabriel Fauré. Premier enregistrement mondial avec l'Orchestre National de France. Je ne pourrai plus sortir de cette forêt. Dieu sait jusqu'où cette bête m'a mené. Je croyais cependant l'avoir blessée à mort. Et voici des traces de sang. entend pleurer. Oh. Oh, qu'y a-t-il là au bord de l'eau? Une petite fille qui pleure au bord de l'eau? Elle ne m'entend pas. Je ne vois pas son visage. Pourquoi pleures-tu? Vous n'avez rien à craindre. Pourquoi pleurez-vous, ici, toute seule? Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! N'ayez pas peur. Je ne vous ferai pas. Oh, vous êtes belle. Ne me touchez pas! Ne me touchez pas ou je me jette à l'eau! Je ne vous touche pas. Voyez, je resterai ici, contre l'arbre. N'ayez pas peur. Quelqu'un vous a-t-il fait du mal? Oh oui, oui, oui. Qui vous a fait du mal? Tous, tous. Quel mal vous a-t-on fait? Je ne veux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Voyons, ne pleurez pas ainsi. D'où venez-vous? Je me suis enfui. Enfui. Enfui. Oui, mais d'où vous êtes-vous enfui? Je suis perdue. Perdue ici. Je ne suis pas d'ici. Je ne suis pas née là. Où êtes-vous née? Oh. Oh, loin d'ici. Loin. Loin. Qu'est-ce qui brille ainsi au fond de l'eau? Oudon. Oh, c'est la couronne qu'il m'a donnée. Elle est tombée tandis que je pleurais. Une couronne? Qui vous a donné une couronne? Je vais essayer de la prendre. Non! Non, je n'en veux plus! Je n'en veux plus! Si vous la retirez, je me jette à sa place! Non! Non! Je la laisserai là. On pourrait la prendre sans peine, cependant. Elle semble très belle. Y a-t-il longtemps que vous avez fui? Oui. Oui. Qui êtes-vous? Je suis le prince Golo, le petit-fils d'Arkel, le vieux roi d'Almonde. Oh, vous avez déjà les cheveux gris? Oui, quelques-uns ici, près des tempes. Et la barbe aussi? Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je regarde vos yeux. Vous ne fermez jamais les yeux? Si. Si. Je les ferme la nuit. Pourquoi avez-vous l'air si étonné? Vous êtes un géant. Je suis un homme comme les autres. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je n'en sais rien moi-même. Je chassais dans la forêt. Je me suis trompé de chemin. Vous avez l'air très jeune. Quel âge avez-vous? Je commence à avoir froid. Voulez-vous venir avec moi? Non. Non, je reste ici. Vous ne pouvez pas rester seul. On ne sait pas ce qu'il y a ici. Toute la nuit. Toute seule. Ce n'est pas possible. Comment vous nommez-vous? Mélisande. Vous ne pouvez pas rester ici. Mélisande. Venez, donnez-moi la main. Oh, ne me touchez pas! Ne criez pas, je ne vous toucherai plus. Mais venez avec moi. La nuit sera très noire et très froide. Venez avec moi. Où allez-vous? Je ne sais pas. Je suis perdu aussi. Voici ce qu'il écrit à son frère Péléas. Je ne sais ni son âge, ni qui elle est, ni d'où elle vient. Et je n'ose pas l'interroger, car elle doit avoir eu une grande épouvante. Et quand on lui demande ce qui lui est arrivé, elle pleure tout à coup comme un enfant et sanglote si profondément qu'on a peur. Il y a maintenant 6 mois que je l'ai épousée et je n'en sais pas plus qu'au jour de notre rencontre. En attendant, mon cher Péléas, toi que j'aime plus qu'un frère, bien que nous ne soyons pas nés du même père. En attendant, prépare mon retour. Je sais que ma mère me pardonnera volontiers. Mais j'ai peur d'Arkel, malgré toute sa bonté, car j'ai déçu par ce mariage étrange tous ses projets politiques, et je crains que la beauté de Mélisande n'excuse pas à ses yeux, si sages, ma folie. S'il consent néanmoins à l'accueillir, le 3e soir qui suivra cette lettre allume une lampe au sommet de la tour qui regarde la mer. Je l'apercevrai du pont de notre navire. Sinon, j'irai plus loin et ne reviendrai plus. Qu'en dites-vous ? Je n'en dis rien. Cela peut paraître étrange parce que nous ne voyons jamais que l'envers des destinées, l'envers même de la nôtre. Il avait toujours suivi mes conseils jusqu'ici. J'avais cru le rendre heureux en l'envoyant demander la main de la princesse Ursule. Depuis la mort de sa femme, il était triste d'être seul. Il ne vivait que pour son fils, le petit Ignold. Ce mariage allait mettre fin à de longues guerres et à de vieilles haines. Il ne l'a pas voulu ainsi. Qu'il en soit comme il l'a voulu, je ne me suis jamais mis en travers d'une destinée, et il sait mieux que moi son avenir. Il n'arrivera peut-être pas d'événements inutiles. Qui entre là ? C'est Péléas. Il a pleuré. Grand-père, j'ai reçu une lettre de mon ami Marcellus. Il va mourir et il m'appelle. Il dit qu'il sait exactement le jour où la mort doit venir. Il me dit que je puis arriver avant elle si je veux, mais qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il faudrait attendre quelque temps, cependant. Nous ne savons pas ce que le retour de ton frère nous prépare. Et d'ailleurs, ton père n'est-il pas ici, au-dessus de nous, plus malade peut-être que ton ami? Pourras-tu choisir entre le père et l'ami? Aie soin d'allumer la lampe dès ce soir, Péléas. Fait sombre dans les jardins. Et quelle forêt! Quelle forêt tout autour des palais! Oui, cela m'étonnait aussi quand je suis arrivée ici. Et cela étonne tout le monde. Il y a des endroits où l'on ne voit jamais le soleil. Mais l'on s'y fait vite. Il y a longtemps. Il y a près de 40 ans que je vis ici. J'entends du bruit au-dessous de nous. Oui, c'est quelqu'un qui monte vers nous. Péléas ? Péléas, est-ce toi ? Oui, je venais du côté de la mer. Nous aussi, nous cherchions la clarté. Ici, il fait un peu plus clair qu'ailleurs, et cependant la mer est sombre. Nous aurons une tempête cette nuit. Il y en a toutes les nuits depuis quelque temps. Et cependant la mer est si calme ce soir. On s'embarquerait sans le savoir, et l'on ne reviendrait plus. Quelque chose sort du port. Il faut que ce soit un grand navire. Les lumières sont très hautes. Nous le verrons tout à l'heure quand il entrera dans la bande de clarté. Je ne sais si nous pourrons le voir. Il y a une brume sur la mer. Le navire est dans la lumière. Il est déjà bien loin. Il s'éloigne à toute voile. C'est le navire qui m'a mené ici. Je le reconnais à ses voiles. Il aura mauvaise mer cette nuit. Pourquoi s'en va-t-il cette nuit ? On ne le voit presque plus. Il fera peut-être naufrage. La nuit tombe très vite. Il est temps de rentrer. Péléas montre la route à Mélisande. Il faut que j'aille voir un instant le petit Iniold. Entendez-vous la mer ? C'est le vent qui s'élève. Descendons par ici. Voulez-vous me donner la main ? Voyez, voyez, j'ai les mains pleines de fleurs. Je vous soutiendrai par le bras. Le chemin est escarpé et il y fait très sombre. Je pars peut-être demain. Oh. Pourquoi partez-vous ? Thank you. vous ne savez pas où je vous ai mené. Je viens souvent m'asseoir ici vers midi quand il fait trop chaud dans les jardins. On étouffe aujourd'hui, même à l'ombre des arbres. Oh, l'eau est claire. Elle est fraîche comme l'hiver. C'est une vieille fontaine abandonnée. Il paraît que c'était une fontaine miraculeuse. Elle ouvrait les yeux des aveugles. On l'appelle encore la fontaine des aveugles. Elle n'ouvre plus les yeux des aveugles? Depuis que le roi est presque aveugle lui-même, on n'y vient plus. Comme on est seul ici. On n'entend rien. Il y a toujours un silence extraordinaire. On entendrait dormir l'eau. Voulez-vous vous asseoir au bord du bassin de marbre? Il y a un tilleul où le soleil n'entre jamais. Je vais me coucher sur le marbre. Je voudrais voir le fond de l'eau. On ne l'a jamais vue. Elle est peut-être aussi profonde que la mer. Si quelque chose brillait au fond, on le verrait peut-être? Ne vous penchez pas ainsi. Je voudrais toucher l'eau. Prenez garde de glisser. Je vais vous tenir la main. Non, non, je voudrais y plonger mes deux mains. On dirait que mes mains sont malades aujourd'hui. Oh, prenez garde, prenez garde, Mélisande. Mélisande. Oh, votre chevelure. Je ne peux pas l'atteindre. Vos cheveux ont plongé dans l'eau? Oui. Ils sont plus longs que mes bras. Ils sont plus longs que moi. C'est au bord d'une fontaine aussi qu'il vous a trouvé. Oui. Que vous a-t-il dit? Rien. Je ne me rappelle plus. Était-il tout près de vous? Oui. Il voulait m'embrasser. Et vous ne vouliez pas? Non. Pourquoi ne vouliez-vous pas? Oh! Oh, j'ai vu passer quelque chose au fond de l'eau. Prenez garde. Vous allez tomber. Avec quoi jouez-vous? Avec l'anneau qu'il m'a donné. Ne jouez pas ainsi au-dessus d'une eau si profonde. Mes mains ne tremblent pas. Comme il brille au soleil. Ne le jetez pas si haut dans le ciel. Il est tombé? Il est tombé dans l'eau. Où est-il? Où est-il? Je ne le vois pas descendre. Je crois que je le vois briller. Où donc? Là-bas. Là-bas. Oh, qu'il est loin de nous. Non, non, ce n'est pas lui. Ce n'est plus lui. Il est perdu. Il n'y a plus qu'un grand cercle sur l'eau. Qu'allons-nous faire maintenant? Il ne faut pas s'inquiéter ainsi pour une bague. Ce n'est rien. Nous la retrouverons peut-être. Ou bien, nous en trouverons une autre. Non, non. Nous ne la retrouverons plus. Nous n'en trouverons pas d'autre non plus. Je croyais l'avoir dans les mains, cependant. Je l'ai jetée trop haut, du côté du soleil. Venez. Venez, nous reviendrons un autre jour. Venez, il est temps. On pourrait nous surprendre. Midi sonnait au moment où l'anneau est tombé. Qu'allons-nous dire à Golo s'il demande où il est? La vérité. La vérité. Tout va bien. Cela ne sera rien. Mais je ne puis m'expliquer comment cela s'est passé. Je chassais tranquillement dans la forêt. Mon cheval s'est emporté tout à coup, sans raison. A-t-il vu quelque chose d'extraordinaire? Je venais d'entendre sonner les 12 coups de midi. Au 12e coup, il s'effraie subitement et court comme un aveugle, fou, contre un arbre. Je ne sais plus ce qui est arrivé. Je suis tombé. Et lui doit être tombé sur moi. Je croyais avoir toute la forêt sur la poitrine. Je croyais que mon cœur était écrasé, mais mon cœur est solide. Il paraît que ce n'est rien. Voulez-vous boire un peu d'eau? Merci, je n'ai pas soif. Voulez-vous un autre oreiller? Il y a une petite tache de sang sur celui-ci. Non, non, ce n'est pas la peine. J'ai saigné de la bouche tout à l'heure. Je saignerai peut-être encore. Fermez les yeux et tâchez de dormir. Je resterai ici toute la nuit. Non. Non, je ne veux pas que tu te fatigues ainsi. Je dormirai comme un enfant. Qu'y a-t-il, Mélisande? Pourquoi pleures-tu tout à coup? Je suis malade aussi. Tu es malade? Qu'as-tu donc, Mélisande? Je ne sais pas. Je préfère vous le dire aujourd'hui. Seigneur, je ne suis pas heureuse ici. Qu'est-il donc arrivé, Mélisande? Quelqu'un t'a fait du mal? Non, non, personne ne m'a fait le moindre mal. Ce n'est pas cela. Mais tu dois me cacher quelque chose. Dis-moi toute la vérité, Mélisande. Est-ce le roi? Est-ce ma mère? Est-ce Péléas? Non, non, ce n'est pas Péléas. Ce n'est personne. Vous ne pouvez pas me comprendre. C'est quelque chose qui est plus fort que moi. Voyons. Sois raisonnable, Mélisande. Que veux-tu que je fasse? Tu n'es plus une enfant. Est-ce moi que tu voudrais quitter? Oh non, ce n'est pas cela. Je voudrais m'en aller avec vous. C'est ici que je ne peux plus vivre. Je sens que je ne vivrai plus longtemps. Mais il faut une raison, cependant. On va te croire folle. On va croire à des rêves d'enfant. Voyons. Est-ce Péléas, peut-être? Je crois qu'il ne te parle pas souvent. Si. Si, il me parle parfois. Il ne m'aime pas, je crois. Je l'ai vu dans ses yeux. Mais il me parle quand il me rencontre. Il ne faut pas lui en vouloir. Il a toujours été ainsi. Il est un peu étrange. Il changera, tu verras. Il est jeune. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Qu'est-ce donc? Ne peux-tu pas te faire à la vie qu'on mène ici? Fait-il trop triste ici? Il est vrai que ce château est très vieux et très sombre. Et la campagne peut sembler bien triste aussi, avec toutes ces forêts. Toutes ces vieilles forêts sans lumière. Mais on peut égayer tout cela si l'on veut. Et puis la joie, on n'en a pas tous les jours. Mais dis-moi quelque chose, n'importe quoi, je ferai tout ce que tu voudras. Oui, oui, c'est vrai, on ne voit jamais le ciel clair. Je l'ai vu pour la première fois ce matin. C'est donc cela qui te fait pleurer, ma pauvre Mélisande? Ce n'est donc que cela? Tu pleures de ne pas voir le ciel? Voyons, tu n'es plus à l'âge où l'on peut pleurer pour ces choses. Et puis, l'été n'est-il pas là? Tu vas voir le ciel tous les jours. Et puis, l'année prochaine? Voyons, donne-moi ta main. Donne-moi tes deux petites mains. Oh, ces petites mains que je pourrais écraser comme des fleurs. Tiens, où est l'anneau que je t'avais donné? L'anneau? Oui, la bague de nos noces. Où est-elle? Je crois qu'elle est tombée. Tombée? Où est-elle tombée? Tu ne l'as pas perdue? Non, elle est tombée. Elle doit être tombée. Mais je sais où elle est. Où est-elle? Vous savez bien, la grotte au bord de la mer. Oui. Eh bien, c'est là. Il faut que ce soit là. Oui, oui, je me rappelle. J'y suis allée ce matin ramasser des coquillages pour le petit Ignold. Il y en a de très beaux. Elle a glissé de mon doigt, puis la mer est entrée et j'ai dû sortir avant de l'avoir retrouvée. Es-tu sûre que ce soit là? Oui, oui, tout à fait sûre. Je l'ai senti glisser. Il faut aller la chercher tout de suite. Maintenant? Tout de suite, dans l'obscurité? Maintenant, tout de suite, dans l'obscurité. J'aimerais mieux avoir perdu tout ce que j'ai plutôt que d'avoir perdu cette bague. La mer sera très haute cette nuit. La mer viendra la prendre avant toi. Dépêche-toi. Je n'ose pas aller seule. Vas-y, vas-y, avec n'importe qui. Mais il faut y aller tout de suite, entends-tu? Dépêche-toi. Demande à Péléas d'y aller avec toi. Avec Péléas? Mais Péléas ne voudra pas. Péléas fera tout ce que tu lui demanderas. Vas-y, hâte-toi. Je ne dormirai pas avant d'avoir la bague. Oh, je ne suis pas heureuse. je ne suis pas heureuse. Oui, c'est ici. Nous y sommes. Il fait si noir que l'entrée de la grotte ne se distingue pas du reste de la nuit. Attendons que la lune ait déchiré ce grand nuage. Elle éclairera toute la grotte, et alors nous pourrons y entrer sans danger. Le sentier est très étroit, entre deux lacs dont on n'a pas encore trouvé le fond. Vous n'avez jamais pénétré dans cette grotte? Non. Entrons-y. Il faut pouvoir décrire l'endroit où vous avez perdu la bague, s'il vous interroge. Elle est très grande et très belle. Elle est pleine de ténèbres bleues. Quand on y allume une petite lampe, on dirait que la voûte est couverte d'étoiles, comme le ciel. Donnez-moi la main. Ne tremblez pas, ne tremblez pas ainsi. Il n'y a pas de danger. Nous nous arrêterons au moment où nous n'apercevrons plus la clarté de la mer. Est-ce le bruit de la grotte qui vous effraie? Entendez-vous la mer derrière nous? Elle ne semble pas heureuse cette nuit. Ah, voici la clarté. Ah, qui est-il? Il y a... Oui. Oui, je les ai vus aussi. Allons-nous-en. Ce sont trois vieux pauvres qui se sont endormis. Une grande famine désole le pays. Pourquoi sont-ils venus dormir ici? Allons-nous-en. Venez, allons-nous-en. Prenez garde, ne parlez pas si fort. Ne les éveillons pas. Ils dorment encore profondément. Venez. Laissez-moi. Je préfère marcher seule. Nous reviendrons un autre jour. Ton ami Marcellus est mort, mais la vie a des devoirs plus graves que la visite d'un tombeau. On vous a caché jusqu'à ce jour l'état de votre père, mais il est peut-être sans espoir. Je vous demande seulement d'attendre quelques semaines, peut-être quelques jours. J'attendrai. Thank you. Hola. Hola. Oh. Qui est là? Moi. Moi et moi. Que fais-tu à la fenêtre en chantant comme un oiseau qui n'est pas d'ici? J'arrange mes cheveux pour la nuit. C'est là ce que je vois sur le mur? Je croyais que c'était un rayon de lumière. Ne reste pas dans l'ombre, Mélisande. Penche-toi un peu, que je vois tes cheveux dénoués. Je suis affreuse ainsi. Oh, Mélisande. Oh, tu es belle ainsi. Penche-toi, penche-toi. Laisse-moi venir plus près de toi. Je ne puis pas venir plus près. Je me penche tant que je peux. Je ne puis monter plus haut. Donne-moi du moins ta main ce soir, avant que je m'en aille. Je pars demain. Non, non, non. Si, si je pars, je partirai demain. Donne-moi ta main, ta petite main sur mes lèvres. Je ne te donne pas ma main si tu pars. Donne, donne. Tu ne partiras pas? J'attendrai, j'attendrai. Je vois une rose dans les ténèbres. Où donc? Je ne vois que les branches du saule qui dépassent le mur. Dans le jardin, là-bas, dans le vert sombre. Ce n'est pas une rose. J'irai voir tout à l'heure. Mais donne-moi ta main d'abord. D'abord ta main. Voilà. Je ne puis me pencher davantage. Je suis sur le point de tomber. Oh! Mes cheveux descendent de la tour. Oh, oh, qu'est-ce que c'est? Toute ta chevelure, Mélisande, toute ta chevelure est tombée de la tour. Je la tiens dans mes mains, je la touche des lèvres, je la tiens dans mes bras, je la mets autour de mon cou, je n'ouvrirai plus les mains cette nuit. Laisse-moi, laisse-moi. Tu vas me faire tomber. Non, non, non. Je n'ai jamais vu de cheveux comme les tiens, Mélisande. Ils sont si doux. Ils sont doux comme s'ils tombaient du ciel. Je ne vois plus le ciel à travers tes cheveux. Regarde, regarde donc. Mes mains ne peuvent plus les contenir. Ils me fuient. Ils s'échappent de toutes parts. Ils tressaillent, ils s'agitent. Ils palpitent dans mes mains comme des oiseaux d'or. Et ils m'aiment mille fois mieux que toi. Laisse-moi, laisse-moi. Quelqu'un pourrait venir. Non. Non, non, je ne te délivre pas cette nuit. Tu es ma prisonnière cette nuit. Toute la nuit, toute la nuit. Péléas, Péléas. Tu ne t'en iras plus. Je les noue aux branches du saule. Je ne souffre plus au milieu de tes cheveux. Tu entends mes baisers le long de tes cheveux. Il monte le long de tes cheveux. Tu vois, je puis ouvrir les mains. Tu vois, j'ai les mains libres et tu ne peux m'abandonner. Laisse-moi relever la tête. J'entends un bruit de pas. Laisse-moi. C'est Golo. Je crois que c'est Golo. Il nous a entendus. Attends, attends, tes cheveux se sont accrochés dans l'obscurité. Attends, attends, il fait noir. Que faites-vous ici? Ce que je fais ici. Je... Vous êtes des enfants. Mélisande, ne te penche pas ainsi à la fenêtre, tu vas tomber. Vous ne savez pas qu'il est tard? Il est près de minuit. Ne jouez pas ainsi dans l'obscurité. Vous êtes des enfants. Quels enfants? Quels enfants? Prenez garde. Par ici. Vous n'avez jamais pénétré dans ces souterrains? Si. Une fois, dans le temps. Mais il y a longtemps. Ils sont prodigieusement grands. Tout le château est bâti sur ces grottes. Voici l'eau stagnante dont je vous parlais. Sentez-vous l'odeur de mort qui monte ? Allons jusqu'au bout de ce rocher qui surplombe et penchez-vous un peu. Elle viendra vous frapper le visage. Penchez-vous, n'ayez pas peur. Je vous tiendrai. Donnez-moi... Non, non, pas la main. Elle pourrait glisser. Le bras. Voyez-vous le gouffre ? Péléas ! Péléas ! Oui. Je crois que je vois le fond du gouffre. Est-ce la lumière qui tremble ainsi ? Vous... Est-ce que vous... Oui, c'est la lanterne. Voyez, je l'agitais pour éclairer les parois. J'étouffe ici. Sortons. Oui. Sortons. Je respire enfin. J'ai cru un instant que j'allais me trouver mal dans ces énormes grottes. J'ai été sur le point de tomber. Il y a là un air humide et lourd, comme une rosée de plomb, et des ténèbres épaisses comme une pâte empoisonnée. Et maintenant, tout l'air de toute la mer. Il est midi. J'entends sonner les cloches, et les enfants descendent sur la plage pour se baigner. Tiens, voilà notre mère et Mélisande à une fenêtre de la tour. Oui, elles se sont réfugiées du côté de l'ombre. À propos de Mélisande, j'ai entendu ce qui s'est passé et ce qui s'est dit hier au soir. Je le sais bien, ce sont là des jeux d'enfants, mais il ne faut pas que cela se répète. Il faut qu'on la ménage, d'autant plus qu'elle est peut-être enceinte en ce moment. Elle est très délicate, à peine femme, et la moindre émotion pourrait amener un malheur. Ce n'est pas la première fois que je remarque qu'il pourrait y avoir quelque chose entre vous. Vous êtes plus âgé qu'elle. Il suffira de vous l'avoir dit. Évitez-la autant que possible, mais sans affectation d'ailleurs. Sans affectation. Qu'est-ce que je vois là sur la route, du côté de la forêt ? Ce sont des troupeaux qu'on mène vers la ville. Ils pleurent comme des enfants perdus. On dirait qu'ils sentent déjà le boucher. Quelle belle journée. Quelle admirable journée pour la moisson. Asseyons-nous ici, Ignold. Viens sur mes genoux. Nous verrons d'ici ce qui se passe dans la forêt. Je ne te vois plus du tout depuis quelque temps. Tu m'abandonnes aussi. Tu es toujours chez petite mère. Tiens, nous sommes tout juste assis sous les fenêtres de petite mère. Elle fait peut-être sa prière du soir en ce moment. Mais dis-moi, Ignold, elle est souvent avec ton oncle Péléas, n'est-ce pas ? Oui, oui, toujours, petit père, quand vous n'êtes pas là. Ah, quelqu'un passe avec une lanterne dans le jardin. Mais on m'a dit qu'il ne s'aimait pas. Il paraît qu'il se querelle souvent. Non ? Est-ce vrai ? Oui, c'est vrai. Oui ? Ah ? Mais à propos de quoi se querelle-t-il ? À propos de la porte. Comment ? À propos de la porte ? Pourquoi se querelle-t-il à propos de la porte ? Parce qu'on ne veut pas qu'elle soit ouverte. Qui ne veut pas qu'elle soit ouverte ? Voyons, pourquoi se querelle-t-il ? Je ne sais pas, petit père, à propos de la lumière. Je ne te parle pas de la lumière, je te parle de la porte. Réponds à ce que je te demande, tu dois apprendre à parler, il est temps. Ne mets pas ainsi la main dans la bouche, voyons. Petit père, je ne le ferai plus. Voyons, pourquoi pleures-tu ? Qu'est-il arrivé ? Oh, oh, petit père, vous m'avez fait mal. Je t'ai fait mal ? Où t'ai-je fait mal ? C'est sans le vouloir. Ici, à mon petit bras. C'est sans le vouloir. Voyons, ne pleure plus. Je te donnerai quelque chose demain. Quoi, petit père ? Un carquois et des flèches. Mais dis-moi ce que tu sais au sujet de la porte. De grandes flèches ? Oui, oui, de très grandes flèches. Mais pourquoi ne veulent-ils pas que la porte soit ouverte ? Voyons, réponds-moi à la fin. Non, non, n'ouvre pas la bouche pour pleurer. Je ne suis pas fâché. Nous allons causer tranquillement, comme Péléas et petite mère quand ils sont ensemble. De quoi parlent-ils quand ils sont ensemble ? Péléas et petite mère ? Oui, de quoi parlent-ils ? De moi, toujours de moi. Et que disent-ils de toi ? Ils disent que je serai très grand. Ah ! Misère de ma vie ! Je suis ici comme un aveugle qui cherche son trésor au fond de l'océan. Je suis ici comme un nouveau-né perdu dans la forêt. Et vous ? Mais voyons, Inyald, j'étais distrait. Nous allons causer sérieusement. Péléas et petite mère ne parlent-ils jamais de moi quand je ne suis pas là ? Si, si, petit père. Ils parlent toujours de vous. Ah ! Et que disent-ils de moi ? Ils disent que je deviendrai aussi grand que vous. Tu es toujours près d'eux ? Oui, oui, toujours, toujours, petit père. Ils ne te disent jamais d'aller jouer ailleurs ? Non, petit père. Ils ont peur quand je ne suis pas là. Ils ont peur ? À quoi vois-tu qu'ils ont peur ? Petite mère qui dit toujours « Ne t'en va pas, ne t'en va pas !» Ils sont malheureux, mais ils rient. Mais cela ne prouve pas qu'ils aient peur. Si, si, petit père. Elle a peur. Pourquoi dis-tu qu'elle a peur ? Ils pleurent toujours dans l'obscurité. Ah ! Ah ! Cela me fait pleurer aussi. Oui, oui. Elle est pâle, petit père. Ah ! Ah ! Patience, mon Dieu. Patience. Quoi, petit père ? Rien, rien, mon enfant. J'ai vu passer un loup dans la forêt. Alors, ils s'entendent bien. Je suis heureux d'apprendre qu'ils sont d'accord. Ils s'embrassent quelquefois, non ? Ils s'embrassent, petit père ? Non ? Non ? Ah, si, petit père, si. Si, une fois qu'il pleuvait. Ils se sont embrassés ? Mais comment ? Comment se sont-ils embrassés ? Comme ça, petit père, comme ça. Votre barbe, petit père, elle pique, elle devient toute grise, petit père, et vos cheveux aussi, tout gris, tout gris. Ah, petite mère a allumé sa lampe. Il fait clair, petit père, il fait clair. Oui, il commence à faire clair. Allons-y aussi, petit père. Où veux-tu aller ? Où il fait clair, petit père. Non, non, mon enfant. Restons encore dans l'ombre. On ne sait pas encore. Veux-tu voir, petite mère ? Oui, oui, je veux la voir. Ne fais pas de bruit. Je vais te hisser jusqu'à la fenêtre. Elle est trop haute pour moi, bien que je sois si grand. Ne fais pas le moindre bruit. Petite mère aurait terriblement peur. La vois-tu ? Est-elle dans la chambre ? Fait clair. Elle est seule ? Oui. Non, non. Mon oncle Péléas y est aussi. Il... Ah ! Ah, petit père, vous m'avez fait mal ! Ce n'est rien, tais-toi, je ne le ferai plus. Regarde, regarde, Inyald. J'ai trébuché. Parle plus bas. Que font-ils ? Ils ne font rien, petit père. Ils attendent quelque chose. Sont-ils prêts l'un de l'autre ? Non, petit père. Et le lit ? Sont-ils près du lit ? Le lit, petit père ? Je ne vois pas le lit. Plus bas, plus bas. Ils t'entendraient. Est-ce qu'ils parlent ? Non, petit père, ils ne parlent pas. Mais que font-ils? Il faut qu'ils fassent quelque chose. Ils regardent la lumière. Tous les deux? Oui, petit père. Ils ne disent rien? Non, petit père, ils ne ferment pas les yeux. Ils ne s'approchent pas l'un de l'autre? Non, petit père, ils ne bougent pas. Ils sont assis? Non, petit père, ils sont debout contre le mur. Ils ne font pas de gestes, ils ne se regardent pas, ils ne font pas de signes. Non, petit père, oh! Oh, petit père, ils ne ferment jamais les yeux. J'ai terriblement peur. Tais-toi! Ils ne bougent pas encore? Non, petit père, j'ai peur, petit père. Laissez-moi descendre. De quoi donc as-tu peur? Regarde! Regarde! Je ne peux plus regarder, petit père. Laissez-moi descendre. Regarde! Regarde! Oh, je vais crier, petit père. Laissez-moi descendre. Laissez-moi descendre. Viens! Voir ce qui est arrivé. Où vas-tu? Il faut que je te parle ce soir. Te verrai-je? Oui. Je sors de la chambre de mon père. Il va mieux. Ma mère pleurait de joie. Il m'a reconnu et il m'a dit de cet air étrange qu'il a depuis qu'il est malade. Est-ce toi, Péléas? Je ne l'avais jamais remarqué. Mais tu as le visage grave et amical de ceux qui ne vivront pas longtemps. Il faut voyager. Il faut voyager. C'est étrange. Je vais lui obéir. Écoute, j'entends parler derrière cette porte. Vite, vite, réponds vite. Où te verrai-je? Où veux-tu? Dans le parc, près de la fontaine des aveugles. Veux-tu? Viendras-tu? Oui. Ce sera le dernier soir. Je vais voyager, comme mon père l'a dit. Tu ne me verras plus. Ne dis pas cela, Péléas. Je te verrai toujours. Je te regarderai toujours. Tu auras beau regarder. Je serai si loin que tu ne pourras plus me voir. Qu'est-il arrivé, Péléas? Je ne comprends plus ce que tu dis. Va-t'en, va-t'en, séparons-nous. J'entends parler derrière cette porte. Maintenant que le père de Péléas est sauvé, et que la maladie, la vieille servante de la mort, a quitté le château. Un peu de joie et un peu de soleil vont enfin rentrer dans la maison. Il était temps. Car depuis ta venue, on a vécu ici qu'en chuchotant autour d'une chambre fermée. Et vraiment, j'avais pitié de toi, Mélisande. Je t'observais. Tu étais là. Insouciante peut-être, mais avec l'air étrange et égaré de quelqu'un qui attendrait toujours un grand malheur au soleil, dans un beau jardin. Je ne puis pas expliquer, mais j'étais triste de te voir ainsi, car tu es trop jeune et trop belle pour vivre déjà jour et nuit sous l'haleine de la mort. Mais à présent, tout cela va changer. À mon âge, et c'est peut-être là le fruit le plus sûr de ma vie, à mon âge, j'ai acquis je ne sais quelle foi à la fidélité des événements, et j'ai toujours vu que tout être jeune et beau créait autour de lui des événements jeunes, beau et heureux. Et c'est toi, maintenant, qui vas ouvrir la porte à l'ère nouvelle que j'entrevois. Viens ici. Pourquoi restes-tu là, sans répondre et sans lever les yeux? Je ne t'ai embrassé qu'une seule fois jusqu'ici, le jour de ta venue. Et cependant, les vieillards ont besoin de toucher quelquefois de leurs lèvres le front d'une femme ou la joue d'un enfant pour croire encore à la fraîcheur de la vie et éloigner un moment les menaces de la mort. As-tu peur de mes vieilles lèvres? Comme j'avais pitié de toi ces mois-ci. Grand-père, je n'étais pas malheureuse. Laisse-moi te regarder ainsi, de tout près, un moment. On a tel besoin de beauté aux côtés de la mort. Péléas part ce soir. Tu as du sang sur le front. Qu'as-tu fait ? Rien, rien. J'ai passé au travers d'une haie d'épines. Baissez un peu la tête, Seigneur. Je vais essuyer votre front. Je ne veux pas que tu me touches, entends-tu ? Va-t'en, va-t'en, je ne te parle pas. Où est mon épée ? Je venais chercher mon épée. Ici, sur le prie-Dieu. Apporte-la. On vient encore de trouver un paysan mort de faim, le long de la mer. On dirait qu'ils tiennent tous à mourir sous nos yeux. Eh bien, mon épée, pourquoi tremblez-vous ainsi ? Je ne vais pas vous tuer, je n'emploie pas l'épée à ses usages. Pourquoi m'examinez-vous comme un pauvre ? Je ne viens pas vous demander l'aumône. Vous espérez voir quelque chose dans mes yeux sans que je voie quelque chose dans les vôtres ? Croyez-vous que je sache quelque chose ? Voyez-vous ces grands yeux ? On dirait qu'ils sont fiers d'être purs. Je n'y vois qu'une grande innocence. Une grande innocence ? Ils sont plus grands que l'innocence. Ils donneraient à Dieu des leçons d'innocence. Une grande innocence ? Écoutez, j'en suis si près que je sens la fraîcheur de leurs cils quand ils clignent. Et cependant, je suis moins loin des grands secrets de l'autre monde que du plus petit secret de ses yeux. Une grande innocence, plus que de l'innocence, on dirait que les anges du ciel s'y baignent tous dans l'eau claire des montagnes. Je les connais, ces yeux, je les ai vus à l'œuvre, fermez-les, fermez-les, ou je vais les fermer pour longtemps. Ne mettez pas ainsi la main à la gorge. Je dis une chose très simple. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Si j'avais une arrière-pensée, pourquoi ne la dirais-je pas ? Ah ! Ah ! Ne tâchez pas de fuir ! Ici ! Donnez-moi cette main. Ah ! Vos mains sont trop chaudes ! Votre chair me dégoûte ! Il ne s'agit plus de fuir à présent ! Vous allez me suivre à genoux devant moi. Ah, ah, vos longs cheveux servent enfin à quelque chose. À droite et puis à gauche et puis à droite. Absalom ! Absalom ! En avant, en arrière, jusqu'à terre, jusqu'à terre. Vous voyez ? Vous voyez ? Je ris déjà comme un vieillard. Colon ! Vous ferez comme il vous plaira, voyez-vous. Je n'attache aucune importance à cela. Je suis trop vieux. Et puis, je ne suis pas un espion. J'attendrai le hasard. Et alors ? Oh, alors ? Simplement parce que c'est l'usage. Simplement parce que c'est l'usage. Qu'a-t-il donc ? Il est ivre ? Non. Non. Mais il ne m'aime plus. Je ne suis pas heureuse. Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes. Cette pierre est lourde. Elle est plus lourde que moi. Elle est plus lourde que tout le monde. Je vois ma balle d'or entre le rocher et cette méchante pierre. Et je ne puis pas l'atteindre. Mon petit bras n'est pas assez long et cette pierre ne veut pas être soulevée. On dirait qu'elle a des racines dans la terre. Oh, j'entends pleurer les moutons. Tiens, il n'y a plus de soleil. Ils arrivent, les petits moutons. Ils arrivent. Il y en a. Il y en a. Ils ont peur. Ils se serrent. Ils se serrent. Ils pleurent. Et ils vont vite. Il y en a qui voudraient prendre à droite. Ils voudraient tous aller à droite. Ils ne peuvent pas. Le berger leur jette de la terre. Comme il y en a. Maintenant, ils se taisent tous. Pourquoi ne parlent-ils plus? Où vont-ils? Ils ne font plus de bruit. Ce n'est pas le chemin de l'étable. Où vont-ils dormir cette nuit? Oh, oh, il fait trop noir. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. C'est le dernier soir. Le dernier soir. Il faut que tout finisse. J'ai joué comme un enfant autour d'une chose que je ne soupçonnais pas. J'ai joué en rêve autour des pièges de la destinée. Qui est-ce qui m'a réveillé tout à coup? Je vais fuir en criant de joie et de douleur, comme un aveugle qui fuirait l'incendie de sa maison. Il est tard. Elle ne vient pas. Je ferais mieux de m'en aller sans la revoir. Il faut que je la regarde bien cette fois-ci. Il y a des choses que je ne me rappelle plus. On dirait par moments qu'il y a plus de 100 ans que je ne l'ai vue. Et je n'ai pas encore regardé son regard. Il ne me reste rien si je m'en vais ainsi. Il faut que je la voie une dernière fois jusqu'au fond de son cœur. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit. Pélias. Mélisande. Est-ce toi, Mélisande? Oui. Viens ici. Ne reste pas au bord du clair de lune. Viens ici. Laissez-moi dans la clarté. On pourrait nous voir des fenêtres de la tour. Je veux qu'on me voie. Qu'as-tu donc? Tu as pu sortir sans qu'on s'en soit aperçu? Oui. Votre frère dormait. Il est tard. Dans une heure, on fermera les portes. Il faut prendre garde. Pourquoi es-tu venu si tard? Votre frère avait un mauvais rêve. Et puis, ma robe s'est accrochée au clou de la porte. Voyez, elle est déchirée. J'ai perdu tout ce temps et j'ai couru. Ma pauvre Mélisande, j'aurais presque peur de te toucher. Tu es encore hors d'haleine comme un oiseau pourchassé. C'est pour moi que tu fais tout cela. J'entends battre ton cœur comme si c'était le mien. Viens ici, plus près de moi. Nous sommes venus ici il y a bien longtemps. Je me rappelle. Oui. Il y a de longs mois. Alors je ne savais pas. Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de venir ce soir? Non. C'est peut-être la dernière fois que je te vois. Il faut que je m'en aille pour toujours. Pourquoi dis-tu toujours que tu t'en vas? Je dois te dire ce que tu sais déjà. Tu ne sais pas ce que je vais te dire? Mais non. Je ne sais rien. Tu ne sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne. Tu ne sais pas que c'est parce que je t'aime. Je t'aime aussi. Oh ! Qu'as-tu dit, Mélisande ? Je ne l'ai presque pas entendu. On a brisé la glace avec des fers rougis. Tu dis cela avec une voix qui vient du bout du monde. Tu m'aimes aussi. Depuis quand m'aimes-tu? Depuis toujours. Depuis que je t'ai vue. Oh, comme tu dis cela. On dirait que ta voix a passé sur la mer au printemps. Je ne puis pas le croire, Mélisande. Pourquoi m'aimerais-tu? Mais pourquoi m'aimes-tu? Est-ce vrai ce que tu dis? Tu ne mens pas un peu pour me faire sourire? Non, je ne mens jamais. Je ne mens qu'à ton frère. Oh, comme tu dis cela. Ta voix. Ta voix. Elle est plus fraîche et plus franche que l'eau. On dirait de l'eau pure sur mes lèvres. On dirait de l'eau pure sur mes mains. Donne-moi tes mains. Oh, tes mains sont petites. Je ne savais pas que tu étais si belle. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau avant toi. J'étais inquiet, je cherchais partout, et je ne trouvais pas la beauté. Et maintenant, je l'ai trouvée, je t'ai trouvée. Je ne crois pas qu'il y ait sur la terre une femme plus belle. Où es-tu? Je ne t'entends plus respirer. C'est que je te regarde. Qu'as-tu donc? Tu ne me sembles pas heureuse. Si, si. Je suis heureuse. Mais je suis triste. Quel est ce bruit? On ferme les portes? Oui. On a fermé les portes. Nous ne pouvons plus rentrer. Entends-tu les verrous? Écoute. Écoute, les grandes chaînes. Il est trop tard. Il est trop tard. Tant mieux. Tant mieux. Voilà. Voilà, ce n'est plus nous qui le voulons. Tout est perdu. Tout est sauvé. Tout est sauvé ce soir. Viens. Viens. Mon cœur bat comme un fou jusqu'au fond de ma gorge. Écoute, mon cœur est sur le point de m'étrangler. Viens. Viens. Qu'il fait beau dans les ténèbres. Il y a quelqu'un derrière nous. Je ne vois personne. J'ai entendu craquer les feuilles mortes. C'est le vent qui s'est tu tout à coup. Il est tombé pendant que nous nous embrassions. Comme nos ombres sont grandes ce soir. Elles s'enlacent jusqu'au fond du jardin. Oh, qu'elles s'embrassent loin de nous. Regarde, regarde. Ah, oh, il est derrière un arbre. Qui? Colo. Colo? Où donc? Je ne vois rien. Là, au bout de nos ombres. Oui. Oui, je l'ai vu. Ne nous retournons pas brusquement. Il a son épée. Je n'ai pas la mienne. Il a vu que nous nous embrassions. Il ne sait pas que nous l'avons vu. Ne bouge pas. Ne tourne pas la tête, il se précipiterait. Il nous observe, il est encore immobile. Va-t'en, va-t'en tout de suite par ici. Je l'attendrai, je l'arrêterai. Non, non, non. Va-t'en, va-t'en, il a tout vu. Il nous tuera. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Il vient, ta bouche. Oui, oui, oui. Oh, oh, toutes les étoiles tombent. Sur moi aussi. Encore, encore, donne, donne. Toutes, toutes, toutes. Oh. Oh. Je n'ai pas de courage. Je n'ai pas de courage. Thank you. Ce n'est pas de cette petite blessure qu'elle peut mourir. Un oiseau n'en serait pas mort. Ce n'est donc pas vous qui l'avez tué, mon bon seigneur. Ne vous désolez pas ainsi. Et puis, il n'est pas dit que nous ne la sauverons pas. Regardez comme elle dort. Lentement, lentement. On dirait que son âme a froid pour toujours. J'ai tué sans raison. Ils s'étaient embrassés comme des petits enfants. Ils étaient frères et sœurs. Et moi, tout de suite. Je l'ai fait malgré moi, voyez-vous. Je l'ai fait malgré moi. Attention, je crois qu'elle s'éveille. Ouvrez la fenêtre. Ouvrez la fenêtre. Veux-tu que j'ouvre celle-ci, Mélisande ? Non, non. La grande fenêtre. C'est pour voir. Est-ce que l'air de la mer n'est pas trop froid ce soir ? Faites, faites. Merci. Est-ce le soleil qui se couche ? Oui. C'est le soleil qui se couche sur la mer. Il est tard. Comment te trouves-tu, Mélisande ? Bien. Bien. Pourquoi demandez-vous cela ? Je n'ai jamais été mieux portante. Il me semble cependant que je sais quelque chose. Que dis-tu ? Je ne te comprends pas. Je ne comprends pas non plus tout ce que je dis, voyez-vous. Je ne sais pas ce que je dis. Je ne sais pas ce que je sais. Je ne dis plus ce que je veux. Mais si, je suis tout heureux de t'entendre parler ainsi. Tu as eu un peu de délire ces jours-ci, et l'on ne te comprenait plus. Mais maintenant, tout cela est bien loin. Je ne sais pas. Êtes-vous tout seul dans la chambre, grand-père ? Non. Il y a encore le médecin qui t'a guéri. Ah. Et puis, il y a encore quelqu'un. Qui est-ce ? C'est... Il ne faut pas t'effrayer. Il ne te veut pas le moindre mal. Sois-en sûr. Si tu as peur, il s'en ira. Il est très malheureux. Qui est-ce ? C'est ton mari. C'est Golo. Golo est ici ? Pourquoi ne vient-il pas près de moi ? Mélisande. Mélisande. Est-ce vous, Golo ? Pourquoi regardez-vous les murs ? Vous avez maigri et vieilli. Y a-t-il longtemps que nous ne nous sommes vus ? Voulez-vous vous éloigner un instant, mes pauvres amis ? Un instant seulement. Je voudrais lui dire quelque chose. Sans cela, je ne pourrais pas mourir. Voulez-vous ? Vous pouvez revenir tout de suite. Ne me refusez pas cela. Je suis un malheureux. Mélisande, as-tu pitié de moi, comme j'ai pitié de toi ? Mélisande ? Me pardonnes-tu, Mélisande ? Oui. Oui, je te pardonne. Que faut-il pardonner ? Je t'ai fait tant de mal, Mélisande. Je ne puis pas te dire le mal que je t'ai fait. Mais je le vois si clairement aujourd'hui. Depuis le premier jour, et tout est de ma faute, tout ce qui est arrivé, tout ce qui va arriver. Si je pouvais le dire, tu verrais comme je vois. Mais je t'aimais tant, je t'aimais trop. Mais maintenant, quelqu'un va mourir. Il faut qu'il sache la vérité. Sans cela, il ne pourrait pas dormir. Me jures-tu de dire la vérité ? Oui. As-tu aimé Péléas ? Mais oui, je l'ai aimé. Où est-il ? Tu ne me comprends pas ? Tu ne veux pas me comprendre ? Il me semble. Eh bien, voici. Je te demande si tu l'as aimé d'un amour défendu. Avez-vous été coupable ? Dis, oui ? Oui ? Non. Nous n'avons pas été coupables. Pourquoi demandez-vous cela ? Mélisande, dis-moi la vérité, pour l'amour de Dieu ! Pourquoi ? N'ai-je pas dit la vérité ? Ne mens plus ainsi au moment de mourir. Qui est-ce qui va mourir ? Est-ce moi ? Toi, et moi aussi, après toi, et il nous faut la vérité. Il nous faut enfin la vérité, entends-tu ? Dis-moi tout, je te pardonne tout ! Pourquoi vais-je mourir ? Je ne le savais pas. Tu le sais maintenant. Il est temps. Vite, la vérité. La vérité. Où es-tu ? Mélisande, où es-tu ? Ce n'est pas naturel, Mélisande. Où es-tu ? Oui, vous pouvez rentrer. Je ne sais rien, c'est inutile. Elle est déjà trop loin de nous. Je ne saurai jamais. Je vais mourir ici comme un aveugle. Qu'avez-vous fait ? Vous allez la tuer ? Je l'ai déjà tuée. Mélisande. Est-ce vous, grand-père ? Oui, ma fille. Que veux-tu que je fasse ? Est-il vrai que l'hiver commence ? Pourquoi demandes-tu cela ? Tu as froid ? Veux-tu qu'on ferme les fenêtres ? Non. Jusqu'à ce que le soleil soit au fond de la mer. Il descend lentement. Alors, c'est l'hiver qui commence ? Oui. Tu n'aimes pas l'hiver ? Oh non. J'ai peur du froid. J'ai peur des grands froids. Veux-tu voir ton enfant ? Quel enfant ? Ton enfant. Tu as mis au monde une petite fille. Où est-elle ? Ici. C'est étrange. Je ne puis pas lever les bras pour la prendre. C'est que tu es encore très faible. Je la tiendrai moi-même. Regarde. Elle ne rit pas. Elle est petite. Elle va pleurer aussi. J'ai pitié d'elle. Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce que toutes ces femmes viennent faire ici ? Ce sont les servantes. Qui est-ce qui les a appelées ? Ce n'est pas moi. Pourquoi venez-vous ici ? Personne ne vous a demandé. Que venez-vous faire ici ? Mais qu'est-ce que donc ? Répondez ! Ne parlez pas trop fort. Elle va dormir. Elle a fermé les yeux. Ce n'est pas ? Ses yeux sont pleins de larmes. Maintenant, c'est son âme qui pleure. Ce n'est pas ma faute. Attention. Il faut parler à voix basse. Il ne faut plus l'inquiéter. L'âme humaine est très silencieuse. L'âme humaine aime à s'en aller seule. Elle souffre si timidement. Mais la tristesse, Golo, mais la tristesse de tout ce que l'on voit. Pourquoi toutes les servantes tombent-elles à genoux ? Qu'y a-t-il ? Elles ont raison. Je n'ai rien vu. Êtes-vous sûr ? Oui. Je n'ai rien entendu. Si vite. Tout à coup, elle s'en va sans rien dire. restez pas ici, Golo. Il lui faut le silence maintenant. Venez. Venez. C'est terrible. Mais ce n'est pas votre faute. C'était un petit être si tranquille, si timide et si silencieux. C'était un pauvre petit être mystérieux, comme tout le monde. Elle est là, comme si elle était la grande sœur de son enfant. Venez. Il ne faut pas que l'enfant reste dans cette chambre. Il faut qu'il vive maintenant, à sa place. C'est au tour de la pauvre petite. C'était Péléas et Mélisande, version radiophonique de la pièce de Maurice Maeterlinck, proposée par Denis Podalides et Louis Langré. Musique de scène de Gabriel Fauré, premier enregistrement mondial avec l'Orchestre National de France. Avec Thibaut Vincent, Péléas, Leslie Menu, Mélisande, Denis Podalides, Golo, Didier Sandre, Arkel, Ludmila Michael, Geneviève, Clara Noël, Ignold, Michel Robin, le médecin, Cécile Brune, Claude Mathieu et Cécile Bouillot, les servantes, Gabriel Dufay, le portier. Direction d'orchestre, Louis Langré. Musicien metteur en onde, Arnaud Moral. Prise de son, montage, mixage, Catherine Déréthé, Alison Ascrisi. Opérateur plateau, Nicolas Depagraf, Marie Le Peintre. Conseillère littéraire, Pauline Timonier. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Laure Egoroff. La musique de scène de Gabriel Fauré pour le drame de Maurice Maeterlinck est publié aux éditions musicales Alphonse Leduc.